علم أخير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم أخير فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور. Mes compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Avant de prendre le deuxième texte, inshallah ta'ala, et là on commence à rentrer dans l'explication des textes, bi'idhnillahi azza wa jal wa billahi tawfiq. Ici, inshallah ta'ala, je rappelle ce que j'avais rappelé avant, en disant ici qu'il y a une mise en garde sévère de la part d'Allah, jalla wa ala, et du prophète alayhi salatu wa salam, sur le fait de porter atteinte aux gens ahlul khayr. Et quand on dit ahlul khayr, ici les gens de bien, il y a plusieurs catégories. Mais à leur tête, il y a al-ulama, et ceux qui les suivent, c'est-à-dire alladhina yuballighuna hadha ad-din, ici ceux qui transmettent cette religion comme il se doit. À partir du moment où ils portent cette charge qui est de transmettre cette religion, qu'ils transmettent les paroles d'Allah et du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam, si tu ne les respectes pas en tant que personne, respecte au moins ce qu'ils détiennent comme parole divine et prophétique et qu'ils transmettent bifahmi salafil umma. Wadih? Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'on doit toujours honorer et respecter les gens de science. Quand tu parles avec eux, quand tu te comportes avec eux, quand tu agis avec eux, de la même manière qu'il t'est demandé de ne pas brusquer, ne pas porter atteinte à travers tes paroles, ton comportement, tes gestes, à tes parents. Comme Allah Azza wa Jalla utilise des propos ici qui sont lourds en sens et en moralité, quand il dit « وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا » Qawlan, regardez Allah les termes qu'il utilise, et ne les brusque pas, et dis-leur des paroles douces, des bonnes paroles, des paroles convenables. Il utilise des termes qui montrent l'affection. Et comment tu dois prendre des pincettes avec tes parents, et on avait dit que ahlul ilm te donne ce que les parents en général ne te donnent pas, c'est-à-dire al-ilm al-shar'i. Donc tu leur dois un grand respect. Toute personne qui t'enseigne la religion, ya Abdallah, pas en tant que personne, mais en tant que personne qui transmet la religion par rapport à ce qu'il détient comme science, respecte-le quand tu lui parles. C'est pas lui qui doit te saluer le premier, mais c'est toi qui dois le saluer le premier. Par respect. C'est-à-dire, si tu le rencontres, essaie de le saluer le premier. Parle bien avec lui. Essaie de l'honorer à travers tes paroles par respect par rapport à cette science. Maintenant, on arrive à une époque, l'asaf al-shadid, rubbama tajid al-shab hatta ma'a al-alim. Peut-être même avec le savant, il ne veut pas le respecter. Et c'est le savant qui doit aller le voir et se rabaisser et lui passer le salam. Ajib. Alors que les ulama, ils disent parmi les règles de bienséance, c'est d'embrasser la tête même du shir. Et même certains savants, ils ont permis d'embrasser même sa main, par respect. Min bab al-ihtiram. Ça c'est al-ulama qui ont autorisé cela par respect. Parce que si tu le respectes par rapport à ce qu'il détient comme science, automatiquement tu vas respecter al-ilm. Mais quand tu vas pas respecter ceux qui détiennent la science, obligatoirement, à un moment ou un autre, tu verras que quoi, tu vas pas respecter cette science religieuse. Donc ça, c'est un respect que doivent avoir les gens, ne pas les brusquer, ne pas leur couper la parole, ne pas dire des paroles qui blessent, c'est-à-dire de mesurer tes paroles et ton comportement avant de parler, parce que toi, tu ne vas pas te rendre compte, mais lui, sache, celui qui a plus de science que toi et qui est connu pour transmettre la religion, il va capter des erreurs que toi, tu ne vas même pas capter, ressentir et qui sont graves. Donc attention de ne pas te contrôler quand tu te comportes, parle et agis envers les personnes de science. Le deuxième texte, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما نصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ببعض ثم قال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a قول الله عز وجل ولكن كثيرا منهم فاسقون. Dans ce deuxième texte, avant cela et avant d'aller plus loin, concernant la chaîne de transmission, il faut savoir que c'est un texte qui est jugé faible. C'est un texte qui est jugé faible. ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. Cheikh Al-Albani l'a jugé faible dans ضعيف الجامع. لكن من حيث المعنى, au point de vue de son sens, il est bon. Il n'y a pas de souci, donc, d'utiliser ce texte et de donner des explications comme le font les gens de science. C'est-à-dire que quand il y a un texte qui est jugé faible, à partir du moment où il ne contredit pas un autre texte du Coran ou de la Sunna, bifahmi salafil umma, et que ce texte-là, le sens est bon, tu précises aux gens qu'il est faible, et ici, tu as droit d'utiliser les paroles des savants concernant l'explication du sens qui est bon. Donc ça nous rappelle que c'est pas parce qu'un hadith est faible qu'automatiquement tu le mets de côté, tu l'utilises pas. Clair? Et ils ont divergé les savants concernant le texte, bien sûr, qui est faible et qui concerne Al-Fada, il les mérite. Comme l'imam Nawawi, rahimahullah, il a autorisé parmi les contemporains, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a autorisé à partir du moment où il contredit pas un texte authentique et que ça concerne les mérites. Mais tu ne bâtis pas un jugement dessus, halal ou haram, obligatoire, interdit. Mais on parle des mérites. Clair? Donc là, le hadith, il est faible. ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع. Ça, c'est un livre impératif à avoir dans la bibliothèque ici de l'étudiant en science, inshallah ta'ala. Comme je vous ai dit, je vous donnerai une liste de livres impératifs à avoir, en arabe particulièrement, et aussi en français. D'accord? Pour vous repérer dans les livres et les titres et les éditions à apprendre, inshallah ta'ala. C'est un hadith qui est faible, lakin, le sens est bon. Et ici, ce texte-là nous rappelle que, à l'époque de Bani Israël, d'accord, c'est cette partie-là qui est faible. Mais bien sûr, le verset coranique, il n'y a aucun doute que ici le sens est bon et le verset est bon. Lakin, ici le sens est bon parce qu'il rejoint le sens qui est dans le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا لَا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا. Ici, Allah Jalla wa Jalla parle de Banu Israël qui ont été maudits de la bouche de Isa et Maryam, de Isa ibn Maryam, afwan, et de Daoud, pourquoi? Ici, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Ils ont transgressé, et ils ne s'interdisaient pas le mal les uns les autres qu'ils faisaient. Ils faisaient du mal, un voyait quelqu'un qui faisait le haram, l'autre voyait l'autre faire le haram, mais ils ne s'interdisaient pas. Quelqu'un faisait des choses détestées par Allah, ils ne lui interdisaient pas le mal. Ici, كأن الأمر لا يعني, comme si cela, ça ne le concernait pas. Et par cette chose-là, par cette cause-là, le fait de ne pas interdire le mal entre eux, Allah les a maudits. D'accord? لُعِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. D'accord? Par la bouche, l'intermédiaire, la bouche, la langue de qui? De Isa, fils de Maryam, et de qui? Et de Daoud. Donc ça, ça nous rappelle que ici, celui qui n'interdit pas le mal et qui n'ordonne pas le bien, les conséquences peuvent être mauvaises et néfastes. Il peut attirer la colère et la malédiction d'Allah, pas que sur lui simplement, mais sur toute la communauté, mais sur tout un groupe, sur toute une jama'a. Pourquoi? Ça, c'était des gens entre eux et leur tête qui n'interdisaient pas le mal. Ça leur a touché, ça les a tous touchés. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et parmi la principale des causes par laquelle ils ont été maudits, ils voyaient le haram et ils n'interdisaient pas le haram. Donc quand tu vois le munkar, tu dois l'arrêter. Et ça, il le place ici, le shir, ce texte-là, pour nous rappeler l'importance d'interdire le mal et d'ordonner le bien quand on voit quelqu'un qui le transmet. Et il parle particulièrement de Ahlul Bida' encore, et ceux qui sont tombés dans la secte de Mu'tazila, Al-Jahmiya, ila akhiri. واضح. Donc on doit arrêter le mal selon nos capacités. La règle dans Ad-Da'wa, c'est quoi? C'est qu'on doit le faire comme Allah l'a décrit dans le Coran. Allah a décrit comment on doit appeler au bien et interdire le mal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ici, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure des façons. Dans le texte qui suit, qala rasulullah alayhi salatu wassalam مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يخرجون ويستفتون الماء ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها فقال لا ندعوكم تمرون علينا فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستسقي. D'accord, ça je vais l'expliquer ici dans les détails, hein. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا. Donc important ici, c'est tout le groupe. وإن تركوهم هلكوا جميعا. Donc là, le prophète عليه الصلاة والسلام, et ce hadith-là, il est jugé authentique, rapporté par Al-Bukhari, Al-Tirmidhi et Ahmad et d'autres. Et dans ce hadith-là, le prophète عليه الصلاة والسلام, il donne une métaphore. Et ici, il donne l'exemple de personnes qui, même si leur intention est bonne, mais ils font le mal. Et avec une traduction ici approximative, donc ici, l'exemple de celui qui est droit dans les lois d'Allah Jalla wa Ala, et du transgresseur, donc l'exemple de celui qui est sur la vérité, qui est droit, concernant les lois d'Allah Azza wa Jalla, il s'accroche à la religion comme il se doit, et du transgresseur, donc celui qui est égaré, est semblable à un groupe, et il donne une métaphore, est semblable à un groupe de gens qui sont montés dans un bateau. Certains d'entre eux se sont installés dans la partie inférieure, en bas du bateau. Et c'est la partie mauvaise du bateau. Et les autres se sont mis dans la partie supérieure du bateau, en haut du bateau. Donc ceux qui étaient dans la partie inférieure étaient obligés de déranger ceux qui étaient dans la partie supérieure, ceux d'en haut, en passant par eux pour s'approvisionner d'eau. Wadih. Donc ceux qui étaient en dessous, pour s'approvisionner d'eau, ils sont obligés de passer par ceux qui sont en haut. Et ici alors ils se sont dit, si on faisait un trou pour y faire passer de l'eau, donc un trou où ça, partie inférieure, un trou pour y faire passer de l'eau, et ne pas déranger ceux d'en haut. Si ceux d'en haut les délaissent, et les laissent faire ce trou, ils se retrouveront tous dans la perte. Mais par contre, s'ils les empêchent de faire ce qu'ils veulent, ils se retrouveront tous sauvés. Regardez la métaphore du prophète alayhi salatu wassalam. Claire, donc les gens, ils sont partis dans la partie la plus mauvaise. Et ça, c'est les gens, regardez, est-ce qu'ils avaient une mauvaise intention? Ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ils ont dit, on va pas déranger ceux qui sont en haut et qui peuvent nous approvisionner en eau. Et ici, ils ont dit, on va faire un trou dans le bateau. Mais s'ils font le trou dans le bateau, ils courent à leur perte. Mais qui court à sa perte? C'est que ceux du bas. C'est tout le monde. Jami'an. L'ensemble, tous, ils vont courir à leur perte. Donc ici, si ceux d'en haut, ils leur interdisent pas, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont courir à leur perte. Mais qui va courir à leur perte? Tous. À cause de qui? À cause de ceux qui ont transgressé, ceux qui étaient en bas du bateau, mais à cause de ceux qui n'ont pas, hein, exhorté ceux qui étaient en bas. Regardez l'exhortation du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça nous rappelle que quand toi tu n'exhortes pas, et quand toi tu n'interdis pas le mal, tu peux causer, être la cause de ta perte. D'accord? Donc ceux qui vont être la cause, c'est ceux qui vont faire le mal. Mais ceux qui n'ont pas interdit le mal aussi, ils peuvent, ici, ils auront provoqué leur perte. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدُ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Ici, et ensuite il donne la cause. Ils ont transgressé, ils ont désobéi et transgressé. Et ensuite il dit كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Ils ne s'interdisaient pas le mal entre eux. Donc le fait de dire, bon, non, chacun sa vie, abadan, tu vas causer ta perte à toi et à l'ensemble des gens. Tu vois quelque chose de mal, arrête-le, selon tes capacités, avec douceur et bonne exhortation et avec sagesse. Clair? Donc ici, ça nous rappelle que ceux qui vont être perdus, c'est les bons et les mauvais. D'accord? C'est les bons et les mauvais. Et le fait de ne pas interdire le mal, bien sûr, c'est quelque chose de mal. Et Allah, il a glorifié ceux qui interdisent le mal et ordonnent le bien. Quand il a dit, Jalla wa ala fi kitabin aziz, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous interdisez le mal. Pourquoi on est la meilleure communauté suscitée pour les gens? Parce qu'on interdit le mal. On ordonne le bien et on croit en Allah, l'unique. At-tawhid. Et avant cela, il parle de quoi? Ad-da'watu ila Allah bil hikmati wal maw'izati al-hasana ala basira. D'accord? Pas selon tes passions et je vois et je crois et on ne veut pas faire partie de Ashabul Ara. Allah il dit Waltakun minkum umma يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ah, il dit, et que soit issu de vous une communauté qui ordonne le bien, qui interdit le mal. D'accord? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Ils appellent au bien. Et ils interdisent le mal, et ils ordonnent le convenable. Et quoi? فَأُولَئِكَ هُمُ. Allah, il a dit, ceux-là, ce seront qui? هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce sont ceux-là qui vont réussir. Ce sont ceux-là qu'ils ont repris la meilleure des voies. Ceux qui interdisent le mal et qui ordonnent le bien. Et ça, c'est une chose obligatoire, comme a dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, selon tes capacités. Mais tout le monde a les capacités d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Mais selon tes capacités. Peu importe. Si tu le fais avec ta famille, si tu le fais avec les gens, si tu le fais pour un grand, si tu as le niveau de le faire pour des gens, eh ben, tu le fais. Si tu as le niveau de faire une conférence, fais-le. Si tu as pas le niveau, mais tu as le niveau simplement de le faire à une personne parce qu'il a fait un péché que tu sais, qui est interdit, tu connais les détails concernant ce péché, fais-le. Dans tous les cas, selon tes capacités, قال عليه الصلاة والسلام وبلغوا عني ولو آية. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset à partir du moment où tu as compris ce verset coranique. Tu as mis en application ce verset coranique et ici, tu le transmets bi'idhnillahi azza wa jam. واضح. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans le quatrième texte, وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامِ اِفْتَرَقَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ عَلَى ثِنْتَيْنَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٍ نَاجِيَةٍ وَاثْنَتَيْنَ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ. Et le hadith ici, il est rapporté par Abu Dawud, Ibn Majah, wa sahaha al-hadith al-Albani fi sahihi al-Jami'. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, iftaraqat banu Israël, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 parties ou 72 groupes. Wa sataftariqu ummati, et ma communauté va se séparer, va se diviser ici ala 30 wa 70 firqa, en 73 groupes. Firqatin Najiya, donc il a dit il y a un groupe qui va être victorieux, et ici 72 qui seront en enfer, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Wadih. Wa fi riwaya man kana ala mithli lamma sa'alu alayhi salatu wassalam man hiya, c'est qui ce groupe qui sera sauvé? Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et dans ce texte-là, comme a dit l'allama Ibn Salih al-Uthaymin, on retrouve Ahlus Sunnati wal Jama'a dans ce texte-là. D'accord? Et ça, on a vu dans l'Aqida al-Wasitiyya, ici, les explications concernant le terme Ahlus Sunnati wal Jama'a, d'où est épuisé ce nom-là et d'où vient ce nom-là. Et rappelez que ce sont eux, al-Firqatun Najiyya, al-Mansoura, إلى قيام الساعة بإذن رب الأرض والسماء. Le prophète عليه الصلاة والسلام l'a interrogé, il y a trois versions. Certains ont rendu faible, et Cheikh Al-Albani, certaines versions ont rendu bon ou authentique. Et ici, dans cette version-là, vérifié par Cheikh Al-Albani, ils ont interrogé, ils ont dit, « Ya Rasulallah, qui est-elle ?» Et il a dit, « Ceux qui seront, « من كان على مثل ما أنا » c'est-à-dire ceux qui seront « عليه » ceux qui seront dans ce que je suis moi, aujourd'hui. C'est-à-dire sur la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et là, on retrouve quoi? Hein? La sunna. Pourquoi on dit ahlu sunnati wal jama'a? Cheikh Al-Uthaymin dit on retrouve ce terme-là dans ce athar. Donc le prophète alayhi salam a dit ceux qui seront dans ceux dont je suis moi au jour d'aujourd'hui. Donc sa voix, donc la sunna. Wa ashabi, et on a dit al-jama'a c'est qui? Le groupe c'est qui? C'est sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. D'accord? C'est alayhi salatu wa salam, wa sahaba, wa tabi'in, wa atba'i tabi'in. Et qui est encore le groupe? Wa man tabi'ahum bi ihsan. Il a yomiddin. C'est ça le jama'a. Mais alors peut-être c'est qui? C'est as-sahaba. Donc on retrouve le terme. Les gens de la sunna. وَهُمُ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى وَمُجْتَمِعُونَ حَوْلَهَا. Ce sont ceux qui s'accrochent à la sunna, à la voix du prophète, et qui se réunissent autour de cette sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc les compagnons, les salafs, c'est-à-dire les trois générations. Et ensuite, après les trois générations, ceux qui viennent après, on les appelle comment? Les khalaf. Donc ici, as-salaf ou al-khalaf, c'est-à-dire man tabi'ahum, ceux qui les suivent, bi-ihsan, ila yawmiddin, tous ceux qui suivent leur voie, c'est al-jama'a. D'accord? C'est al-jama'a. Et c'est al-firqatun najiyya. ناجية من البدع في الدنيا ومن في الآخرة من النار. C'est ça, al-firqatu an-najiya. C'est celle qui sera préservée, protégée, qui sera victorieuse. C'est la voie, c'est le minhaj, c'est le groupe de ceux qui seront préservés de al-bid'a, comme a dit al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, min al-bid'a fi dunya wa min an-nar fi al-akhirah. Des innovations ici-bas et de l'enfer dans l'au-delà. Donc attention, vous voyez que quand on vous traitait pas le sujet à la base, donc les gens ils prennent que ici ce qui les arrange et ce qui voit al-dhahir du hadith, alors qu'il y a plein d'explications, ils ne connaissent pas les bases et les fondements et les explications des hadiths. Ils lisent ça, ils disent ah bah donc ah préserver des bid'ah. Dès que je vois une bid'ah et quelqu'un qui a fait une innovation, là je m'en écarte, comme ça je ferai partie de l'firqatun najia. Et ceux qui font pas comme moi, ils font pas partie de l'firqatun najia. Mais quand tu reprends les textes et les paroles de Cheikh Al-Uthaymin dans le charh de al-arba'in al-nawawiyya concernant anwa al-bid'ah, Eman al-Mubtadi', et tu reprends les paroles de l'imam Ahmad en Usul al-Sunnah comme on les a détaillées. C'est qui le Mubtadi', la définition de le Mubtadi', l'innovateur, et la différence entre le Mubtadi' et la bid'a, là tu vois plus clair. Et tu vois c'est qui est considéré comme un Mubtadi' et dans quel type ou vis-à-vis de quel type de personne tu dois t'éloigner. Là on a compris parce qu'on a pris le sujet dans les détails. Wadih. Et tout le monde dit c'est nous qui suivons le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, tout le monde le dit. Tous les groupes, en général les groupes ils disent nahnu ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Wadih. Donc comment on fait alors? Il y en a plein qui le disent. Nous on suit le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça que nous leur disons, comme nous divergeons et tout le monde dit on suit le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh ben renvoyons le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam à qui? À quoi? À la compréhension des ancêtres pieux, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et as-salaf. Donc ici pour bien comprendre ce minhaj, parce que tout le monde dit on suit le livre d'Allah et la sunna. Donc là maintenant ils divergent les gens. À cause de quoi? L'intention? Non. On a dit c'est pas le problème d'intention. C'est la compréhension. Donc il y a un problème de compréhension. Qui a compris le mieux les textes? As-sahaba. Donc tu leur dis, renvoie le livre d'Allah et la sunna du prophète à qal as-sahaba. D'accord? Qal ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala. Il a dit, al-ilm ibn al-qayyim, c'est quoi? La science c'est quoi? Qal Allah wa qal al-rasul wa qal as-sahaba. Vous voyez? La bonne compréhension saine. Donc eux on leur dit, quand on vous entend parler, on veut entendre ça. قال الصحابة بفهم السلف الأمة قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال حسن البصري قال سفيان الثوري قال. On veut entendre les salaf et on veut leur explication à eux. On veut pas simplement entendre leur nom, leur explication. Donc quand ils rentrent dans ta'wil, clair, et c'est une bid'a, mais celui qui fait at-ta'wil, c'est une bid'a dans l'aqid, dans l'aqida. Quelqu'un qui fait une bid'a dans l'aqida, c'est un mubtadi'. Non. La preuve, qui est rentré dans le bid'a dans At-Ta'wil? Al-Hafidh ibn Hajar, l'imam al-Bukhari, ibn Rajab al-Hanbali, l'imam al-Nawawi, ibn Aqil. Ils sont rentrés dans quoi? Dans le bid'a dans At-Ta'wil. Et est-ce qu'avec ça, c'est des mubtadi'in? Est-ce qu'ils font partie de... Non! Parce qu'ils ne sont pas encadrés par la définition. La définition de mubtadi', l'imam Ahmed a dit dans Usul al-Sunnah, c'est quoi la définition de mubtadi'? Ya Allah. C'est quoi? بارك الله فيك. اولا هذا من عادته. Ça fait partie de ses habitudes. C'est banal pour lui. Il est considéré et il est connu pour être un innovateur parce qu'il répète tout le temps l'innovation, il fait plein d'innovations. D'accord? C'est pas celui qui est tombé dans une innovation ou dans deux. Et avant cela, il faut être sûr que ce qu'il a fait c'est vraiment une innovation ou pas. D'accord? Ça c'est une première des choses. Ça c'est le mubtadi'. La deuxième condition, c'est quoi? Voilà, c'est une personne qui ne fait pas partie de qui? Des gens de l'ijtihad, mais qui suit ses passions. Là, à ce moment-là, on va dire c'est un mubtadi'. Et encore après, il faut savoir, est-ce que c'est un mubtadi' dans l'aqida, d'accord? Ou bien un mubtadi' dans les choses qui n'ont pas rapport avec l'aqida, avec les dogmes et avec la croyance. Et même s'il a fait une bid'a dans l'aqida, ça ne fait pas lui partie de lui, hein, un mubtadi', comme on a détaillé cela précédemment. Clair? Wadih. Donc on dit il faut renvoyer au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça tu dis ça al-mu'tazila, al-jamia, ila akhir. D'accord? Ces gens-là qui rentrent dans ta'wil, ils disent quoi? quand on a parlé de l'ouaj, non, l'imam al-Bukhari s'est trompé dans ça. Donc on dit, sa bid'a, c'est une bid'a, qui est un égarement, car le prophète dit, kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finale. Mais lui, ce n'est pas un égaré, et il ne fait pas partie des mubtadi'in, mais son erreur, on la condamne, et on la met de côté, mais on ne rejette pas tout le bien qu'il a fait. Wadih. Amma eux, ceux qui c'est leur habitude, en général, comme le mu'tazila et l'akhiri, toi tu vas leur dire, bah, renvoyons au livre d'Allah, le livre d'Allah et la sunna du prophète, parce qu'ils vont te parler avec des paroles d'Allah, qala Allah, qala Rasul. Eux, on leur dit, ça ne suffit pas, parce que les gens qui sont partis parmi le khawarij, qui sont partis voir, est intervenu lors du conflit entre Ali et Muawiya comme Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, il est intervenu et il a akhiri, vous connaissez le qissa, quand il y a un qui a dit une parole, qu'est-ce qu'il a dit Ali radiyallahu anhu wa arda, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Ça c'est une règle maintenant en islam, c'est-à-dire ta parole en elle-même elle est bonne, mais ce qui est voulu à travers cette parole, ce qui que tu vises, c'est du faux. C'est-à-dire la parole en elle-même, elle est bonne, mais elle est mal expliquée. Elle est mise dans un autre contexte que celui qui lui est approprié. Et c'est pour ça que ces gens-là, Ahlul Bida, on est obligé de leur dire, dites-nous, les compagnons ont dit et on veut leur explication. Parce que là, tu vas les arrêter tout de suite. Il va te dire, Al-Wajj, ça veut dire la royauté d'Allah Azza wa Jal. Tawakkaf. Nous, on dit le livre d'Allah et la sunna du prophète. Vous aussi, vous avez cité les versets d'Allah et du prophète, alayhi salatu wa salam. D'accord. Renvoyons à ceux qui ont compris le mieux cette religion et le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salam, sahaba. Et même tu les arrêtes, le prophète. Donnez-nous une explication de eux qui est conforme et qui correspond à votre explication. Ils vont s'arrêter. Ou alors ils vont te sortir des textes qui sont jugés faibles. Ou alors des textes qui concernent le mutashabi, ce qui est ambigu. Amma ce qui est muhkem, ce qui est clair, ils vont le mettre de côté. Sache que maintenant, avec cela, bi'idhnillah azza wa jalla, c'est une arme tranchante pour pouvoir ici montrer clairement la séparation entre Ahlul Sunnati wal Jama'a et Ahlul Ahwa, Ahlul Ara, Ahlul Bida. Wadih. Et donc ici, les gens en général, comme on a dit, ils font des erreurs, ils tombent dans les innovations, donc ces sectes-là, pas dues à leur mauvaise intention, mais leur mauvaise compréhension. Al-Ulama, ils disent, « Na'khudhu al-kitab wa sunna bifahmi salafi l'umma » Et ils disent, on prend le livre d'Allah, Jalla wa Ala, et la sunna, avec et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et cela est le minhaj des pieux prédécesseurs, le minhaj des salafs. C'est ce qui nous importe. C'est de suivre le minhaj, la voie, la méthodologie de qui? Des salafs. Amma, te donner une appellation. Est-ce que ça nous importe énormément? Ça nous importe pas énormément. Nous, on a dit, comme a dit l'ulama, comme tout le monde dit, on suit le livre d'Allah et la sunna du prophète, la meilleure réponse, c'est pas de dire, bah moi maintenant je suis salafi. Wallahi, ça c'est pas assez complet. Et c'est pas assez ilmi, c'est pas assez scientifique. Et c'est pas une hujja claire pour mettre court à leur erreur. Mais par contre, tu dis, comme ils ont dit l'ulama, renvoyons nos désaccords à quoi? Au livre d'Allah et à la sunna du prophète, avec la compréhension des ancêtres pieux, et rentre dans les textes des ancêtres pieux. Et là, dis-lui, nahnu ala minhaj as-salaf. Il a une différence. On est sur la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Nous, on suit leur voie. Là, c'est plus complet et c'est plus propre. Amma des gens qui se disent salafi, salafi, salafi. Tu lui dis, décris-moi ce qu'il mubtadi'. C'est quoi les différentes anwa' al-bid'a, al-mukaffira, al-mufassiqa, il akhiri. Et il sait pas répondre. Donc toi, ya Abdallah, toi, tu vas causer du tort au minhaj. Parce que toi, ils vont dire, ah bah, il veut jouer à ça, tu vas tomber sur des sectes, wallah, ils vont te déchirer. Parce qu'ils vont rentrer dans les détails. Et ils vont jouer avec des qawa'id. Et ils vont jouer avec des textes. Et avec des paroles d'Ibn Abbas. Radiallahu anhu wa an abi concernant at-ta'wil, tu vas voir. Tu vas être perdu. Ça, c'est pas une réponse. Claire? Mais ce qui est sûr, c'est que tu leur expliques pourquoi tu vas leur répondre que toi, tu es sur la voie. Inch'Allah. Et tu t'efforces de suivre la voie qui est obligatoire pour tous et toutes. La voie des pieux prédécesseurs. Claire? Et là, on comprend mieux pourquoi. Wadih. Ici, dans le texte qui suit. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. Et ce hadith là, il est rapporté par Abu Dawud et Tirmidhi, Ibn Majah wa Ahmad, wa sahaha al hadith Sheikh al Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al jami' wa fi silsilat al sahiha. Ce hadith qui est très connu, où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, et c'est le texte numéro 5, عليكم بسنتي. Le prophète, il nous a ordonné de suivre sa sunna. Et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, on avait dit عند المتقدمين أي العقيدة وعند المتأخرين عموما, généralement c'est les paroles, les actes et التقرير l'approbation du prophète عليه الصلاة والسلام. Là, le prophète عليه الصلاة والسلام, il parle de quoi? De la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, son comportement, ses paroles, ses actes. Et le fait de suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, est-ce que c'est porter la barbe ou pas? Na'am, hada min as-sunna. Est-ce que c'est que ça? Et tu veux mettre de côté tout ce qui est extrêmement important? إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما في الصحيح. Le prophète a dit, j'ai certes été envoyé pour compléter, parachever les bonnes moralités. La sunna, c'est un tout. C'est-à-dire que quand tu transmets ici les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام, quand tu veux suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, il faut que ça se dégage de toi et de ton comportement. Le prophète, c'est-à-dire le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, sa sunna, comment il parlait, comment il se comportait, comment il agissait. Il faut qu'on le voit en toi. Il faut pas qu'on voit une personne dure, haineuse, qui veut le mal aux gens, qui veut... Mais au contraire, tu dois montrer, voilà, ici, la voix du prophète عليه الصلاة والسلام. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante ou un mal ambulant. Sois une sunna ambulante. Quand tu parles, quand tu montres. Et là, tu vois que, comme disait l'ulama, souvent, الدعوة إلى الله جل وعلا, الدعوة, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, avec le comportement, a souvent plus d'impact que la da'wa avec la langue. La da'wa avec le comportement, elle a quelquefois et souvent plus d'impact que la da'wa avec la langue. Ala sabil il mithal. Si toi tu vas dire à une personne, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, مثلاً, tu vas citer un hadith, comme quoi, ici, ce qui est demandé, ce qui fait partie, il y a des branches de la foi, il a akhiri, d'enlever quelque chose, ce qui est demandé en islam, d'enlever quelque chose du chemin. Toi, tu vas le dire aux gens. Il faut bien, quand tu vois quelque chose qui peut déranger, nuire aux gens dans un chemin, tu l'enlèves. Tu vas le dire à quelqu'un. Mais si maintenant toi, tu vas, personne te voit, si ce n'est qu'une personne de loin, même s'il n'est pas musulman. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui est sur le chemin, et tout le monde passe et personne fait attention. Et il te voit toi, musulman, lahya, qamis, masha'Allah, tu vois, tu l'enlèves, tu le mets de côté. Est-ce que ça va avoir plus d'impact que si tu lui avais dit, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit kada wa kada? Bien sûr. Parce que quand tu vois, ça a plus d'impact que quand tu entends. Et ça, c'est une qa'ida en islam. Tiré de plusieurs textes. Parmi ces textes-là et parmi les preuves, c'est quand Moussa alayhi salam, ici Allah jalla wa ala, il lui a informé que son peuple était en train d'adorer quoi? Un veau en or. Et ici Moussa alayhi salam, est-ce qu'il a réagi de la même manière quand il les a vus en train d'adorer le veau en or? Il a lâché les tablettes. Al-ulama, ils disent, et c'est une règle, ici dans Usul al-Fiqh, que quand tu vois, ce n'est pas comme quand tu entends. Clair? Donc ici, fais voir aux gens qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Ça aura plus d'impact. Wadih? Et les quatre califes, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa, al-rashidin al-mahdiyin. Quand on parle de al-khulafa, ici, al-rashidin al-mahdiyin, c'est qui? Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. C'est les quatre. Wadih? C'est les quatre. Le prophète, il nous ordonne de suivre leur voie, leur méthodologie aussi. Donc, c'est une hujja. Donc, leur comportement, leur voie, etc. Bien qu'ils ne soient pas infaillibles, eux. Walakin, c'est une preuve. Et on peut dire, Abu Bakr a dit, Abu Bakr a fait, Uthman a dit, Uthman a fait, Ali a dit, Ali a fait. Wadih, tant que ça ne s'oppose pas au Coran et à la sunna, bifahmi salafi l'umma, bien sûr. Wadih. Amma si Aisha, radiyallahu anha warda, ou un compagnon, nous apporte une parole qui contredit une parole du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'on a le droit de la prendre? On n'a pas le droit de la prendre. Alors que dire si un savant va nous dire une parole qui contredit le Coran et la sunna bifahmi salafi l'umma? Donc ça, c'est la règle générale. C'est-à-dire que nous, en islam, on ne fait pas le taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle d'une seule personne. Clair? C'est-à-dire que tu le suis aveuglement dans toutes les erreurs qu'il a et dans tout le bien qu'il a, tu ne cherches pas à différencier, à comprendre. Et quand on dit et on te montre une erreur claire, mais clair, c'est-à-dire une personne de science qui comprend tout dans les détails, etc. et te montre une erreur claire, tu dis non, je veux rien savoir, je veux l'écouter quand même. Comme certains, ils disent, moi, je suis Maliki. Tu lui dis, khlas, regarde, Malik, il a cité un hadith. Il savait pas que ce hadith, il était faible. Et regarde, les savants ont dit, c'est pas toi. Les savants ont dit que ce hadith-là s'oppose à un hadith qui est authentique. Non, khlas, moi, je suis l'imam Malik. Ça, c'est taqlid al-a'ma. D'accord? Ça, c'est un suivi aveugle. Ça, c'est interdit. Et ça, on peut pas le faire même envers les compagnons. Que dire envers d'autres personnes. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha et d'autres compagnons, ils ont dit des paroles qui s'opposaient à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple, il y a quoi comme exemple? Vous n'avez pas des exemples? Ici, quand le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a autorisé à la femme de se rendre à la mosquée? Oui ou pas? Il a dit, la tamna'u, n'interdisez pas. Sahih al-hadith wa akthar min hadith, Sheikh al-Albani fi sahih al-jami'a. Ici, la tamna'u, n'interdisez pas les servantes d'Allah de se rendre où? Dans les mosquées. Claire? Et ici, à qui a dit, bah, moi, je vais interdire, c'est mieux qu'on interdise les servantes d'Allah, les femmes à aller à la mosquée. Le fils de Ibn Omar, Ahsan. Le fils d'Ibn Omar, il a dit, wallah, il a dit, c'est mieux de les interdire de se rendre aux mosquées. Et est-ce que, ici, Ibn Omar, il a dit, oui, c'est bien, c'est un ijtihad. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Omar? Ici, il a rapporté qu'Ibn Omar, il a hajar son fils à vie, hein. Ici, Ibn Omar, il a agi avec dureté, il a dit, comment ça? Moi, je te dis, qala Rasulullah, et toi, tu me dis, qala Hajib. Et il a blâmé. Et Aïcha, elle a dit, si le prophète voyait l'état de la communauté des femmes, ici, à notre époque, il leur aurait interdit même de se rendre aux mosquées. Ah, ça, c'est une parole de Aïcha, radiyallahu anha warda. Est-ce qu'on peut la prendre? Pour dire, eh ben, alors maintenant, si Aïcha l'a dit à son époque, qu'est-ce qu'elle aurait dit Aïcha à notre époque? Allah al-musta'an, hadith wa la haraj. Ça, c'est Aïcha à son époque, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais est-ce que c'est une hujja pour dire, bah donc dans ces cas-là, c'est mieux que la femme n'aille pas à la mosquée dans tous les cas. Pourquoi? Qala Rasulullah. Car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a dit. Voilà. Donc la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, elle devance toutes les paroles. Mais le prophète, il a fait l'éloge des quatre califes. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Donc on suit leur voie. On suit leur voie. Et ça, c'est une réponse à certaines personnes qui sont tombées dans le bid'ah. Et qui disent, par exemple, donc nous on peut faire des bonnes innovations. On peut faire al-bid'a ici al-hasana, la bonne innovation. Regardez Omar ibn al-Khattab, un jour il a réuni les musulmans dans la mosquée et ici derrière qui? Il a réuni les musulmans derrière un compagnon radiyallahu anhu arda, Nasit, j'ai oublié son nom. C'est qui? Nasit ala kulli hal. Personne sait. Non, à la kulli hal. Il a réuni les musulmans derrière un compagnon radiyallahu anhu arda, et ici, il a préféré les réunir pour faire salat al-tarawih. Et quand Omar il a vu ça, il a dit quelle bonne innovation. D'accord? Et donc ils disent bonne innovation, ils ont interprété comme ils veulent. Je rentre même pas dans les détails qui sont très connus, qui sont clairs concernant le rad, et que à la base déjà c'était une manière du prophète alayhi salatu wassalam, donc c'est pas une innovation en soi-même, et c'est au niveau de la loura, je rentre pas. Juste première des réponses, lui dire quoi? Toi, tu n'es pas Omar. D'accord, déjà toi tu n'es pas Omar. Déjà ça c'est un argument, c'est une hujja. D'accord? Passe pas en dehors de cela. Commence par ça. Toi tu n'es pas Omar. Le prophète a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Donc la voie, la méthodologie. Donc Omar s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Après tu rentres. Comme quoi le prophète il avait déjà fait. Donc c'est pas comme si toi tu faisais une chose que le prophète n'avait pas fait. Il a akhiri. Mais déjà tu lui dis toi tu n'es pas Omar. Et Omar il a reçu l'éloge du prophète, pas toi. Donc arrête-toi là. Te compare pas et te mets pas au même niveau que qui? Al-Khulafa, Al-Rashidin, Al-Mahdiyin. Wadih. Et pourquoi aussi Al-Ulama ils ont dit parce que les quatre califes, ils ont vécu plusieurs situations. Donc ça va élargir ta compréhension. Ça va élargir ta compréhension. Parce que si eux... ils ont pris Al-Khilafa pendant une certaine période, donc ils ont été confrontés à beaucoup de situations. Donc quand tu reviens à leur vie, à leurs paroles, à leur comportement, ça va te permettre d'élargir ta compréhension et ta façon de réagir. Parce que tu vas te référer pas qu'à la vie du prophète en tant que prophète et en tant que lui seulement, et suivre que le prophète, mais aussi des gens qui sont sortis de l'école qui est ou de l'éducation prophétique. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Dans leur vie, tu vas retrouver plusieurs situations, tu vas retrouver plusieurs conflits dans leur vie, tu vas retrouver plusieurs épreuves, donc ça va élargir tes connaissances et ça va te permettre de savoir mieux comment réagir dans différentes situations. Donc ça va t'apporter énormément et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a ordonné. Kama fi sahih. An-nas as-sadis, al-khamis qad ra'ayna. والنص السادس قال عليه افضل الصلاة وازكى التسليم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلف بعدي. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit je suis venu ici لقد جئتكم بها, je suis venu avec elle بيضاء نقية, c'est-à-dire واضحة. بها اي الشريعة كما قال العلماء فلا تختلف بعدي. Et là on voit encore la clarté des choses et des textes. Le prophète alayhi salam dit je suis venu avec elle, c'est-à-dire la législation, avec l'islam, avec ici les préceptes religieux qui sont clairs, bayda naqiya, blanche, propre, pure, c'est-à-dire claire, wadiha, ne divergez pas après moi. Et ça c'est une réponse encore à ceux qui disent que la divergence c'est une rahma, et ça c'est un hadith da'if jiddan, et certains disent comme Cheikh Al-Albani mawdou', et ça s'oppose au texte authentique. La divergence à la base c'est quelque chose de réprimandé, sauf quand c'est une divergence qui est fondée et qui doit être respectée. Mais la règle de base, c'est que ce n'est pas une bonne chose, la règle de base. Je dis pas dans tous les cas, il n'y a pas de bien dedans. Mais je dis la règle de base, comme disait l'ulama, c'est une chose qui est blâmable. Et la preuve de cela, Cheikh Al-Albani, il dit, comment dire que c'est une rahma alors qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et ne vous disputez pas. D'accord? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Ne vous disputez pas, sinon vous risquerez de fléchir et de perdre vos forces. Donc, la preuve que quoi? Si on se dispute, si on diverge, c'est une cause que quoi? La communauté, ça, s'affaiblit. Et vous connaissez le proverbe, qui le sens est tout à fait bon, diviser pour mieux régner. Ça affaiblit la communauté, le fait de diverger beaucoup. Donc ça, c'est la règle de base. Mais amma le comportement face à la divergence, on l'a vu, on va continuer à le voir, incha'Allahu ta'ala. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmad, wa hassanahu al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Ici, biha, ay, bihadihi shari'a. Ici, bayda, ay, clair, wadiha. Donc ne divergez pas. Après moi, ici on diverge, on le renvoie toujours à quoi? Au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est tout? Bifahmi salafil umma. Pourquoi? Ce sont eux qui ont reçu l'éloge du prophète, qui ont côtoyé le prophète et qui ont compris le mieux cette religion. Côtoyer le prophète, je parle des compagnons, et ensuite les trois générations qui ont reçu l'éloge du prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wassalatu taslim. Qala Rasulullah alayhi afdalus salatu wassalatu taslim. Qad taraktukum ala al-wadiha. فَلَا تَذْهَبُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا. Et ici, le sens, il est mieux. Il est idem, plutôt. Il est pareil. Il est identique au texte qu'on a cité précédemment. وَهَذَا الْحَدِيثِ حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِي. Il a jugé bon, Cheikh Al-Albani, et d'autres gens de science, et certains savants, ils ont dit, فَلَا تَذْهَبُوا. C'est-à-dire, cette partie-là de ce hadith-là, فَلَا تَذْهَبُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا. Ils disent qu'il est faible. عَلَى كُلِّ حَالٍ. Ce qui est sûr, c'est que ça réunit et ça rejoint, plutôt, ça rejoint le texte précédent qui est authentique. C'est-à-dire que, ici le prophète dit, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْوَاضِحَ. Je vous ai laissé sur الْوَاضِحَ, c'est-à-dire ce qui est clair, la voie claire. La voie claire, on parle encore de quoi? الشَّرِيعَ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاء وَاضِح. Donc ici ça a le même sens que le premier, et الْوَاضِحَ يَقْصُدْ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاء. Le texte qui vient après, قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. Et ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, Allah جل وعلا لا يدخل, c'est-à-dire il va faire rentrer, il fait rentrer العبد, le serviteur, الجنة, le paradis, بالسنة, avec ou par la cause de la سنة, à laquelle il s'y accroche. Et ce hadith là, ici, c'est un hadith jugé faible, ضعيف. لكن من حيث المعنى, au point de vue du sens, il est bon. Et ici, il est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, بفهم سلف الأمة. Donc ici, c'est un hadith dont le sens est bon. Et la sunna ici désigne, عند المتقدمين, قلنا, هش, العقيدة. Donc toute personne qui s'accroche à la عقيدة, et aussi, أيضا, à la sunna authentique, بفهم سلف الأمة, certes, bi'idhnillahi azza wa jal, il mérite, et incha'Allah ta'ala, si Allah accepte le vœu, il rentrera au paradis. Clair? Et donc ça, c'est une promesse pour ceux qui s'accrochent à al-aqidah al-sahiha aydan, wa hada min al-aqidah al-sahiha al-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre l'importance de s'accrocher à la croyance ferme, et il met en garde, à chaque fois, dans, il cite d'autres textes, sur le fait de s'éloigner de l'aqidah al-sahiha, et qui le résultat sera quoi? النار والعياذ بالله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لو أن موسى وعيسى. Le prophète a juré ou aurait juré. On va voir la chaîne de transmission. والله لو أن موسى وعيسى حيان. Donc si Moussa, et il jure le prophète, والله par Allah, si Moussa et Isa étaient vivants, لَمَا حَلَّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَانِي. Il ne leur serait autorisé que de me suivre. Clair? Et ce hadith-là, al-ulama, comme l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, l'a considéré comme bon, حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِي, mais sans la mention de Isa, mais avec la mention de Moussa alayhi salam. Donc, ce qui est clair, et le sens il est clair dans tous les cas, c'est que Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Et si même on prend que la partie qui n'est pas jugée faible, c'est-à-dire que si Isa alayhi salam était là, clair, wadih, donc si Isa alayhi salam était là, ou même Moussa alayhi salam, il n'aurait suivi que quoi? La voix du prophète alayhi salatu wassalam. La législation du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils auraient délaissé les autres législations. La preuve, ma huwa ad-dalil? Isa alayhi salam min ashrati sa'a al-kubra. Parmi les signes de la fin des temps, les grands signes de la fin des temps, Isa va redescendre sur terre. Wadih? Mais est-ce que Isa va venir avec sa législation, il va juger avec sa législation qu'il a eue à son époque? Il va juger avec, et il va utiliser la législation qui a été révélée à qui? À Muhammad alayhi afdalus salati wa azka taslim. Clair? Donc s'il serait vivant, il leur serait interdit de suivre leur législation. Clair? Même pour eux. Et là, al-mu'allif, ibn Battah rahimahullah ta'ala, comme qu'a dit al-ulama, il veut ici rappeler qu'on a assez avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Si Isa, qui sont des prophètes, et qui sont khayrun nas, wa afdalun nas, wa afhamun nas, wa atharun nas, al-anbiya wa al-rusul. Même eux, ils se seraient contentés du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Comment une autre personne va dire, moi je vois, en délaissant de côté, le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc il montre ici l'importance qu'on doit se détourner des interprétations ici qui ne sont pas conformes au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et apportées aussi par Benu Israël, quand celles-ci sont contradictoires avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais ça c'est une qaïda, c'est une règle. Est-ce qu'on a droit d'utiliser les propos à rapporter par Benu Israël à partir du moment où ça ne contredit pas du tout et ça va dans le même sens ici que le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam bifahmi salafil umma? On n'y croit pas fermement en disant c'est sûr à 100% que c'est vrai, mais on les dément pas. Mais des gens sont rentrés dans ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils utilisent grave ces textes-là et ils cherchent pas à comprendre si ça contredit ou pas. Ils disent, oui, mais il est relaté dans un texte qui est dans la Torah, par exemple, et ils citent. Mais il faut préciser aux gens, on le dément pas, mais on l'utilise pas. Mais s'il contredit le Coran et la sunna bifahmi salafil umma, on doit le rejeter. Et pourquoi pas? Isa aurait été là. Moussa, il aurait été là. Il se serait suffi de quoi? Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa lidhalika, al-ulama, ils ont dit, ils déconseillent d'ouvrir la porte de, c'est quelle porte? D'aller étudier la Torah et l'Injil. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à prendre la Torah, ils vont prendre l'Injil, et ils vont commencer à vouloir l'étudier. Et tu lui dis, pourquoi, ya akhi? Mais c'est pour trouver, c'est quoi, les choubouhettes qu'ils ont. Mais toi, ya Abdallah, tu vas te noyer dans choubouhettes. T'as même pas peut-être fini, une fois le livre d'Allah, du début jusqu'à la fin, avec tout son tafsir. Et toi, t'es en train d'essayer de comprendre. Et ici, la Torah qui est remplie de choses falsifiées, ainsi que l'Injil. Et quelle explication tu as? Rien. Ce qui est clair, il va le délaisser. Et ce qui est ambigu, il va le prendre. Maintenant que certains le font, vous savez qu'il y a des gens qui sont experts en la matière, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait. Et qu'ils ont étudié, après qu'ils ont étudié le Coran. Mais pour, ici, parce qu'ils avaient un certain niveau de science, et c'est pour, ici, démentir les paroles qu'apportent, par exemple, les gens qui utilisent la Torah ou l'Injil, ou pour montrer ce qui est conforme au Coran et la Sunna et la Akhiri, certaines personnes le font, ils sont vraiment au niveau, la haraj. Mais d'ouvrir cette porte, comme disait l'ulama, et d'en faire des cours, et d'en faire des ila akhiri, à des gens qui ne sont même pas ancrés bien fermement dans la aqida sahiha, ça c'est une erreur. Et pourquoi pas? Isa aurait été là, Moussa aurait été là, ils auraient utilisé le Coran et la sunna bifahmi salafil umma, et toi tu vas chercher ce que Moussa et Isa auraient abandonné. Ad-dalil, le hadith rapporté par Ahmed, hassanahu al-albani rahimahullahu rahmatan wasi'a. An-nas al-ashir, ici le dixième texte, wa kharaja rasulullah alayhi salatu wassalam وهم يتنازعون في القدر فقال عليه الصلاة والسلام أبهذا أمرتم أو ليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم. Et ici le prophète عليه الصلاة والسلام leur a mis en garde contre une chose qui est très importante, et là on va rentrer dans ce sujet ici et on va détailler cette chose là qui est extrêmement importante et qui est mal comprise encore par beaucoup de gens. إلا من رحم الله. Et il dit, innama halaka man kana qablakum bitamarihim fi dinihim. Ay, quand on parle de bitamarihim, c'est bi al-jadal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est sorti. Et il les a vus, c'est-à-dire à sahaba, qui étaient en train de se yatanaza'oun. il polémiquait, il se disputait, quelque part, il divergeait, fil qadar, sur des questions concernant al-qadar, le destin. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, abi hadha umirtum, donc il les a blâmés. Il a dit, est-ce que c'est ça qui vous a été commandé, ou plutôt, c'est ça qui vous a été, nuhitum. C'est ça qui vous a été, ici, interdit. Et ensuite, il les met en garde. Et il dit, innama halaka man kana qablakum. Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédé, c'est quoi? Al-jadal. Fi dinihim, dans leur religion. Et là, on ouvre une grande porte très importante. Et n'ouvre pas une porte quand tu sais pas la refermer, ya Abdallah. D'accord? Ça, c'est une règle. Et beaucoup de gens tombent dans cette erreur. Ils prennent que des petits mots, des petites paroles, à droite et à gauche, ou alors on va dire de grandes paroles parce qu'ils viennent de l'kibar, mais ils les comprennent pas les fondements, comprennent pas toutes les explications, ils réunissent pas tous les textes. Et ils ouvrent une porte, ils savent pas la fermer. Ils ouvrent la porte de bid'a mubtadi', mais ils connaissent rien dans les détails, etc. Ensuite, ils font des dégâts. Pareil, al-jadal dans l'islam, le fait de, al-jadal, on va traduire ça par la polémique, la controverse. C'est-à-dire polémiquer dans les choses de la religion. C'est ici une chose très sensible. Et là, on va voyager dans un livre que je vous recommande, qui est, comme je vous avais cité hier, c'est le livre d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, un livre qui est très court, qui est petit, mais très lourd en sens et en moralité. Ibn Hajar qui a fait des erreurs dans At-Ta'wil. Est-ce que Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, doit être délaissé? Imam min al-a'imma. Ami un imam parmi les imams. Comme l'appelle al-ulama. Et ici, Ibn Rajab, al-Hanbali, rahimahullah rahmatan wasi'a, Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qui est du 8e siècle. Il a écrit un livre qui, je recommande fermement, il est en arabe, Et ici, c'est Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Le mérite de la science de al-salaf par rapport au mérite de la science de Al-Khalaf, ceux qui sont venus après eux. Et il compare les comportements, les réactions, la méthodologie des savants qui font partie de Salaf aux autres, qui sont toujours des savants. Mais il compare, et vous voyez la comparaison, Allah al-Musta'an, et on va voyager à travers quelques pages, et comme d'habitude, comme Ibn Taymiyyah avec les références de Al-Majmou' al-Fatawa que je vous donne depuis le début, comme ça vous revenez dedans pour vérifier, bien sûr c'est des livres en arabe, Ici, vous vérifierez pour voir ici si c'est bien conforme. Et bien sûr c'est conforme. Clair à ce que j'ai dit. Donc ici, je vais vous donner les pages, inshallah ta'ala, au fur et à mesure. Donc là, on commence à rentrer dans le jadal. C'est-à-dire la polémique et la controverse. Quand faut parler avec une personne, quand faut s'arrêter. Mais pas moi, comme je pense et je vois. Je pense que là, faut s'arrêter. Je pense que là, faut continuer. Depuis le début, vous voyez très bien, on donne que des preuves. Voilà, nous zakka'allahu ahada, on ne sort pas de qalallahu wa qalal rasoul bi fahmi salafil umma wa bi aqwalil ulama. Et on donne les références. Là, on va voir comment ils nous ont aiguillé les salafs, les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire jusqu'où tu dois parler, quand tu dois arrêter de parler, quand tu dois expliquer une chose, quand tu dois ne plus expliquer. Il a akhiri. Et comment se comporter, mais vous allez voir, dans les détails. C'est pas approximatif, oui, dans les détails. Là, on va rentrer bien dans les détails. Là, on commence à rentrer dans les textes. Et regardez, ici, le shir, il a commencé par quoi? L'importance de l'union. On a cité les versets coraniques. Ensuite, il a parlé des... Ici, al-bida', on a expliqué. Al-mubtadi', qui est al-mubtadi'? Ceux qui sont tombés dans les erreurs et dans les innovations concernant Al-Aqida. Comment se comporter avec eux? La preuve qu'on doit s'éloigner de certains, on a expliqué. Et là, ils rentrent maintenant dans, attention, ils te recadrent. C'est-à-dire, ils placent pas les textes dans des endroits n'importe comment. Et pour, voilà, il les a mis en vrac. Non, il est en train de t'aiguiller. Maintenant, d'accord, tu as compris, mais attention. Ça veut pas dire que tu dois ouvrir la porte de quoi? Al-Jidal, la polémique. Parce que des gens, ils sont que dans ça, dans la polémique. Donc là, il te dit, oui, d'accord, tu dois te comporter comme ça, le mubtadi', on a vu, mais attention, la polémique, là, il commence à donner des textes. Comme quoi, il va te mettre en garde clairement contre la polémique. Et qu'est-ce que c'est que la polémique? On va le voir, bi-ibnillahi, azza wa jal, dans les détails. Wadih? Ce hadith avant tout, et ici, il dit, le prophète, alayhi salam, ici, awalaysa an hadha, nuhitum, n'est-ce pas cette chose-là qui vous a été interdite? Et ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédé, ici, c'est al-jadal, c'est-à-dire la polémique dans leur religion. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed, Hassanahu al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et al-ulama, ils ont dit, quand ça arrive trop loin, il faut toujours apprendre à s'arrêter. Clair? Et là, ici, il parle de l'qadar, et al-qadar, ici, on va en parler, bi-idhnillah azza wa jal, dans les détails, insha'allahu ta'ala, par la suite. Le texte qui vient après. Wa kharaja rasulullahi alayhi salatu wa salam, yawman ala ashabi, wa hum yakulun, ألم يقول الله كذا وكذا Regardez, il donne toujours des textes des compagnons. Et comment le prophète les a arrêtés? Il leur a éduqué de fermer la porte. Et là, il va vous aiguiller au fur et à mesure, vous allez voir. Il y a des gens, ils ne savent même pas quand c'est de la polémique, quand c'est pas de la polémique. Quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. Quand il faut expliquer et essayer de convaincre, et quand ça ne sert à rien. Et là, vous allez voir, étape par étape, que avec les textes. Pour ça, c'est un livre vraiment magnifique, ce livre-là, parce qu'il vous dirige que avec les textes. Et bien sûr, il faut un charh, hein. Comme je vous ai dit, les charh, je les invente pas de moi-même, je reviens que avec, ici, j'ai écouté plusieurs shurouh, hein, de Cheikh Al-Rajh, et Hafizahullah min al-Mu'assirin, ici, on essaiera d'avoir un contact prochainement avec lui, Inch'Allah ta'ala, il a akhiré des gens de science. Et donc ici, il dit, Kharaja Rasulullah alayhi salatu wa salam, donc il rapporte ce texte-là, Yawman ala ashabi, wa hum yaqulun, alam yaqulillahi kada wa kada, un jour le prophète est sorti, et il y avait les compagnons. Et il les a entendus, il disait, Allah n'a-t-il pas dit ceci et cela? Yaruddu ba'duhum ala ba'd, fa ka'annama fuqiya fi wajhihi habba ar-rumman, fa qala innama afsada ala al-umam, hadha, فلا تضرب كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم كما قال عليه الصلاة والسلام. Et ici le hadith est rapporté par Ibn Majah wa sahaha al hadith al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Et ce livre al-Targhib wa al-Tarhib, c'est le livre de al-Mundhir rahimahullah rahmatan wasi'a al-Muhaddith. Et il est muhaqqaq, il a été vérifié. Et parmi les savants qui l'ont vérifié, qui l'ont corrigé, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et c'est pour ça qu'on appelle ce livre-là Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Et ce livre-là, c'est impératif dans la bibliothèque du Talib al-Ilm aussi. Et je vais vous aiguiller au fur et à mesure, et à la fin, je donnerai la liste de tous les livres en arabe qui est impératif d'avoir. Et les livres en français, bi'idhnillah, pour ceux qui n'ont pas l'arabe. Mais je recommanderai particulièrement les livres en arabe. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour il est sorti et il les a entendus dire, ici, Allah n'a-t-il pas dit ceci et cela, etc. Il a akhiré. Et il se renvoyait des versets. Allah a dit, قال الله, كذا وكذا. Donc c'est des versets qui se renvoyaient les uns. Il disait pas, je vois, je crois. Mais avec cela. Chacun se renvoyait des versets. Ça, c'est les compagnons. Et Hassan al-Hadith, Sahah al-Hadith, Cheikh al-Albani, hein, c'était les compagnons. Et il se renvoyait les versets. Ici, et c'est quel verset? Et pourquoi le prophète les a arrêtés? Ça, c'est des versets coraniques qui, d'apparence, se contredisent. Vous suivez bien? Ça, c'est des versets coraniques qui d'apparence se contredisent. Mais il n'y a pas de contradiction. كما قلنا قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله هاه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Continuez à ne pas méditer le Coran. S'il venait d'autre qu'Allah Azza wa Jalla, ils auraient trouvé maintes contradictions dans le Coran. Mais ça, c'est les versets qui prêtent à plusieurs sens. Plusieurs interprétations. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mutashabih. Et Allah, on a parlé dans le Coran de al-mutashabih ou al-muhkam. Et on va citer le verset coranique, bi-ibnillah azza wa jal. Donc ici, ils utilisaient des versets et ils se renvoyaient. Donc pourquoi ils se renvoyaient les versets? Parce que si un envoyait un verset et l'autre, il n'était pas d'accord, c'est parce que ce verset coranique, d'apparence, il contredisait l'autre verset coranique. Parce que sinon, s'ils allaient vraiment du même sens et de façon claire, ça se serait arrêté là. Mais là, lui il disait, toi t'as dit ça, mais non, regarde, il y a un autre verset. Donc d'apparence, ça se contredit. Sinon, il se serait arrêté là. Et donc, il se renvoyait ces versets-là. Et ici, le prophète, alayhi salatu wasalam, regardez qu'est-ce qu'il dit. Son visage est devenu rouge, il le compare à Rumman, c'est-à-dire, il est devenu très rouge. Claire? Et ici, il est devenu rouge, et de là, il les a arrêtés, et il les a blâmés. Donc de là, les ulama, ils disent, quand il y a des versets qui se contredisent, d'apparence, on renvoie ces versets coraniques à al-muhkam. Si toi tu ne peux pas, eh ben tu le renvoies à quoi? À qala al-ulama. Les gens de science, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ces versets coraniques? Et eux vont t'expliquer comment le renvoyer à al-muhkam, à ce qui est clair et ce qui va te permettre d'avoir une compréhension saine. Amma ashabul ara, ashabul ahwa, c'est une qa'ida chez eux. Al-mutashabih, il reste dessus. Et al-muhkam, ils le mettent de côté. D'accord? Mais il y a différents types de catégories de personnes. Il y a différentes catégories de personnes dans cette question-là. Il y a ceux qui rentrent dans l'aqidah, ceux qui sont malades. Et il y a des gens, attention, qui font un ijtihad et qu'on respecte. Regardez quand vous regardez. Je passe simplement pour vous montrer qu'il faut rester à sa place. Quand vous regardez Cheikh Al-Rajh, hafidhahullah ta'ala, quand il parle de hukm al-sitar, du fait de couvrir le visage. Vous savez, c'est une divergence entre genres de sciences. D'accord? Donc on respecte la divergence. C'est une divergence non réprouvée des deux côtés, il y a des preuves. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, ça c'est des gens qui utilisent des versets qui font partie de l'mutashabi. Des choses qui ne sont pas claires. Des textes qui ne sont pas clairs et ils délaissent ce qui est clair. Donc est-ce qu'on peut dire que Cheikh Rachid parle de qui alors? Des innovateurs. Donc il parle de Cheikh Al-Albani. D'accord? Et il cite les preuves que Cheikh Al-Albani apporte. Sans dire Cheikh Al-Albani. Mais il dit, voilà, des gens, ils disent, ils utilisent des textes comme un jour pendant le pèlerinage, ici, le prophète, alayhissalam, des compagnons, ils ont vu une femme, ils ont regardé cette femme, donc ils ont vu. Donc, il dit ça, ça prête à plusieurs interprétations. Mais il dit ce qui est clair, comme Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Et comme la parole du prophète, alayhissalat, il donne tous les textes qui sont clairs. Il dit ça, il le met de côté. Il dit ça, c'est les gens qui utilisent ici ce qui est ambigu et qui délaissent ce qui est clair. Ça, c'est un alim qui a dit. Donc pourquoi on va pas dire alors, ah bah donc ça veut dire c'est un peu le procédé de Cheikh Al-Albani. Alors, regardez quelqu'un qui va avoir une mauvaise compréhension. Et il va dire, bah donc Cheikh Al-Albani, vous voyez, et des gens à cause de ça et la mauvaise compréhension parce qu'ils restent pas à leur place, eh ben, ils interprètent que ce qui les arrange, ils comprennent mal les choses, ils prennent qu'une partie des textes, et ils se mettent à critiquer les gens de science. Eh ben, continue si tu rentres dans cette logique-là. Eh ben, dis, voilà, un tel a dit, il a ses arguments, eh ben, donc, on va dire que Cheikh Al-Albani, il a délaissé ce qui est clair. Mais est-ce que tu as pris tous les textes de Cheikh Al-Albani pour dire qu'il a pris que ce qui n'est pas clair? Ou ce qui prête à plusieurs interprétations? Donc, c'est pour ça, il y a différentes catégories. Il y a celui qui va faire son ijtihad, et qui pour lui, c'est clair. Et il y a d'autres qui non, ils vont pas faire d'ijtihad, mais ils vont suivre Al-Hawa. Et donc on a dit, pour rendre une personne mubtadi'a, qui fait partie de le mubtadi'in, ici, on réunit deux conditions. Un, c'est quoi? Hada min aadati, ça fait partie de ses habitudes. Et deux, c'est quoi? Qui ne fait pas partie de qui? Des gens de l'ijtihad. Wadih. Donc attention. Ça, on respecte les deux paroles. Mais tu dois agir d'une certaine manière avec cette catégorie de personnes qui, quelquefois, certains textes qui prêtent à plusieurs interprétations, il les utilise et il délaisse les textes qui sont clairs. Mais ici, et avec d'autres personnes qui, eux, rentrent dans l'aqida et qu'il n'y a aucun doute à avoir sur cela, sur le fait qu'ils sont égarés. Donc simplement pour dire, il y a différentes catégories de personnes, il faut faire très attention. Cheikh Al-Albani, alimin al-ulama, et tu n'es pas de son niveau ou au-dessus de lui pour le critiquer. Et al-ulama, comme Cheikh Al-Rashi wa ghayru, c'est alimin al-ulama, wa min al-kibar, et tu n'es pas à son niveau au-dessus de lui pour le critiquer ou le juger. Reste à ta place. Et laisse leurs paroles ici dans leur contexte. Wadih. Donc ici, il faut faire très attention par rapport à cela. Et ici, bi'idhnillahi azza wa jal, on continuera, incha'Allah ta'ala, dans l'explication du 12e texte, tout à l'heure, incha'Allah ta'ala, car il y a la prière de l'Asr. Et bi'idhnillahi azza wa jal, on va rentrer petit à petit et en donnant les références dans el-jidal. Comment se comporter? Quand s'arrêter dans le jidal? Qu'est-ce qui est considéré comme vraiment une polémique? Une controverse? Et qu'est-ce qu'a dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala concernant les gens de la polémique et qui sont-ils? Il les a décrits dans les détails. Ça, on va le voir bi'idhnillah azza wa jal tout à l'heure quand on se retrouvera. Et inshallah ta'ala, je pense que le mieux c'est de se retrouver quand? Soit on fait directement après l'asr encore, ou soit on fait une pause après l'asr et après on se retrouve plus tard. Allahu a'lam. Qu'est-ce que vous préférez? Une petite pause après l'asr? On se retrouve après? Pause? Khalas. Donc on fait l'asr inshallah ta'ala. Et ensuite, on se retrouve, inshallah, ici, une demi-heure ou trois quarts d'heure, ou là, une heure. Comme ça, ça leur laisse le temps de manger, ceux qui veulent manger. Une bonne heure après l'asr. D'accord? Donc, à 20h, on se retrouve. Et bien, ibnillah, on continuera à 20h. Et jusqu'à le maghreb. Ou un peu avant le maghreb, bien sûr. On fera une pause et on continuera de le maghreb à l'isha encore. Inshallah ta'ala. On essaiera d'avancer au maximum. Et bien, ibnillah, demain, comme je vous ai dit, il y aura khutbatul jumu'ah. Et après khutbatul jumu'ah, à 16h, il y aura l'intervention de Cheikh Al-Shibli, hafidhahullah ta'ala. C'est un élève parmi les grands élèves de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Salih Al-Fawzan. Et c'est un docteur en aqida et professeur en aqida à l'université de Riyad. Et bi'idhnillahi azza wa jal, ici c'est un conférencier et il est connu en Arabie Saoudite, inshallah ta'ala, il va intervenir demain pour une conférence à 16h ici en direct, et ensuite en direct de Riyad, et ensuite inshallah ta'ala je donnerai la traduction. Et comme je l'ai dit, on va laisser une heure demain bi'idhnillahi azza wa jal pour les questions autour du minhaj particulièrement, Et peut-être on ouvrira les appels téléphoniques, inshallah ta'ala, que les questions qui tournent autour du minhaj, et ceux qui n'ont pas compris des choses, ceux qui veulent des éclaircissements ou qui sont pas d'accord sur des choses. Et ici, bi'idhnillah, on essaiera de répondre, ici selon nos capacités, inshallah ta'ala, sinon, naqulu kama raddada dhalika miraran wa tikrara al-imam Malik, Allahu a'lam. Wadih, inshallah ta'ala, wa billahi tawfiq. Et je rappelle aux frères, particulièrement nos invités, hein, qui sont venus de loin et d'autres villes, que demain, bi'idhnillah, je dis que nos invités qui sont venus d'en dehors de Brest, hein. À midi, bi'idhnillah, il y a des frères, jazahumullahu khairan, c'est pas des sœurs, c'est des frères, ammo et autres. Ils ont préparé un couscous pour eux demain. Donc ici, ça sera en haut à midi. Donc le repas ici de midi, demain, ça sera ici en haut. Pour les frères invités, hein, simplement. Et inshallah ta'ala, midi, vous mangerez ici. Et ensuite, bi'idhnillah azza wa jal, on continuera avec l'intervention du cheikh. Wallahu a'lam, à tout à l'heure. Wa barakallahu fina wa fikum, alhamdulillah. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته